Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM pour une nouvelle émission du Nid de Pie. Merci d'être toujours à l'écoute. Dans la chronique, je vous présente une artiste animalière qui fut riche et célèbre en son temps et dont le nom est injustement tombé dans l'oubli. Pour les 200 ans de sa naissance, je vous dresse le portrait de l'incroyable peintre et sculptrice Rosa Bonheur. Dans l'interview, j'ai la chance de tendre le micro à un autre artiste animalier hors du commun, le dessinateur belge Franck P. Co-créateur des séries de bandes dessinées Broussailles et Zoo, il a réinterprété les aventures de Spirou et a récemment prêté ses pinceaux pour remettre au goût du jour un animal emblématique du bestiaire franco-belge, le marsupilami. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Quand on cite des artistes animaliers de renom, ce sont surtout des patronymes masculins dont on se souvient. Jean-Baptiste Oudry, portraitiste officiel des chiens de Louis XV, Rembrandt Bugatti et ses bronzes tourmentés, ou plus récemment François Pompon et son ours polaire mondialement célèbre. Dans l'art en général, mais dans ce secteur bien particulier de l'art animalier, peu de femmes artistes ont été reconnues pour leur art. Et pour les rares élus à qui la fortune a souri, l'histoire a bien souvent pris soin d'effacer leurs traces. C'est le cas de Rosa Bonheur. Née à Bordeaux en 1822, il y a 200 ans tout juste, Rosalie Marie Bonheur, dite Rosa, est pourtant l'une des artistes peintres les plus connues de son siècle, alors que son nom ne vous dit probablement rien aujourd'hui. Et pourtant. Alors que le célèbre « Bal du moulin de la galette » d'Auguste Renoir, peint en 1876, se négocie quelques centaines de francs, le « Marché aux chevaux », l'une des peintures les plus emblématiques de Rosa Bonheur, s'arrache pour 268 500 francs à New York en 1887. Plutôt pas mal, non? Pourtant, l'affaire était loin d'être gagnée et on peut dire qu'elle revient de loin. Originaire de Bordeaux, Raymond, le père, est un artiste peintre idéaliste qui épouse l'une de ses élèves du cours de peinture, Sophie Marquis, une femme cultivée et bien éduquée. Celle-ci est la fille naturelle d'une tête couronnée, dont le nom sera toujours gardé secret. Ils ont quatre enfants, Rosa l'aînée, Auguste, Isidore et Juliette. Raymond monte à Paris en 1828, où il rejoint la communauté des Saint-Simoniens au couvent de Ménilmontant, un groupe exclusivement composé d'hommes et où il discute d'égalité et de beaux projets pour la société. Mais pendant que ces messieurs étayent leurs grandes idées, ils ne ramènent pas grand-chose pour faire la soupe. Le reste de la tribu Bonheur quitte Bordeaux pour Paris et Rosa a le cœur gros de troquer l'affection des vaches bordelaises pour l'urbanisme parisien. Juliette, la plus jeune, est laissée en nourrice à Bordeaux. Sophie, la mère de Rosa, s'épuise nuit et jour à coudre et donner des cours de musique pour nourrir ses enfants. Elle finit par en mourir alors que Rosa a 12 ans et la famille est si désargentée qu'elle sera inhumée dans une fosse commune. Le décès prématuré de sa mère marque une rupture profonde entre la jeune fille et son père, les hommes en général, ainsi qu'avec la société de son époque. Elle rejette toute idée de mariage et refuse de dépendre financièrement d'un homme. Elle le dira plus tard, elle s'était jurée de relever la femme. Son but, gagner seul assez d'argent pour échapper à la pauvreté. Après le décès de son épouse, Raymond Bonheur revient au foyer familial et reprend l'éducation de ses enfants. Peintre paysagiste, il court après les cachets. Il travaille régulièrement pour le zoologiste Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, rendu célèbre pour avoir accompagné à pied la girafe offerte à Charles X de Marseille à Paris. L'homme de science lui commande des plantes et des animaux pour illustrer ses ouvrages scientifiques et le peintre redouble d'ardeur pour nouer les deux bouts. Il envoie les deux garçons en pensionnat, option la plus économique pour lui, et il tente de faire apprendre un bon métier à son aîné. Peine perdue. Rosa est indomptable. Elle se fait renvoyer du pensionnat et des cours de couture où son père l'avait inscrite. Rosa l'a toujours clamé, elle veut devenir peintre animalier. C'est là l'unique passion qui l'anime. Raymond sait à quel point il est difficile de vivre de ses pinceaux. Surtout qu'à l'époque, ce sont les portraits et les peintures de scènes historiques qui ont la cote, pas les scènes de ferme où des moutons s'ébattent joyeusement dans la campagne que Rosa rêve de réaliser. De plus, il n'existe aucune alternative officielle pour apprendre l'art quand on est une fille. Seuls les garçons sont autorisés aux beaux-arts. Vaincu par l'entêtement buté de sa fille qui refuse toute éducation conventionnelle, Raymond Bonheur finit par la former lui-même dans son atelier. Alors qu'elle a 15 ans, Rosa fait la connaissance de la famille Mika. Les parents, Louis-Frédéric et Henriette, viennent à l'atelier Bonheur pour commander à Raymond un portrait de leur fille Nathalie, dont la santé, très fragile, laisse présager un décès imminent. Les deux familles s'entendent immédiatement, Rosa trouvant chez les Mika des gens aimants et bienveillants. Rapidement, les deux filles deviennent inséparables. Elles apprennent la peinture ensemble, elles partent en voyage ensemble et au final, passent littéralement leur vie ensemble. Elles partagent leur quotidien et vivent sous le même toit jusqu'au décès de Nathalie à l'âge de 75 ans. Aucun écrit intime ne nous permet de percer avec certitude la nature de leur relation, qu'elle soit amoureuse, platonique ou amicale, mais les 58 ans de vie commune des deux femmes, cette union d'âme, comme le dit Rosa, laisse admiratif. Rapidement, Rosa va faire ses classes au Louvre. Elle copie des tableaux de maître et on la paye pour son travail, pour son plus grand plaisir. Si l'entrée aux Beaux-Arts est interdite aux filles, il est cependant quelque chose qui leur est permis. Présenter leur travail au salon, l'événement artistique incontournable de l'année où les carrières d'artistes peuvent se jouer sur le succès d'une seule toile. Rosa présente deux tableaux lors de son premier salon en 1841. Deux lapins et chèvres et moutons qui sont sélectionnés. Rosa n'a alors que 19 ans et l'avenir lui sourit. Dès qu'elle gagne assez d'argent, elle achète Margot, sa toute première jument. Pendant ce temps, chez les Bonheurs, c'est le chambardement. Isidore et Auguste, ses jeunes frères, ont quitté le pensionnat pour les rejoindre et eux aussi veulent vivre de leur art et raffolent d'animaux. L'atelier commun se remplit d'ailleurs de modèles vivants qui viennent mettre de l'animation dans un maisonnet. Moutons et chèvres que les garçons descendent sur leurs épaules le long des 6 étages qui les séparent de la cour. Mésanges, cailles et écureuils s'ébattent en liberté dans leur logement parisien. Les deux garçons peignent et Isidore se spécialise dans la sculpture, une discipline que Rosa délaisse peu à peu pour laisser briller son frère, bien qu'elle y excelle également. Juliette, la plus jeune, rejoint Paris à 11 ans quand leur père se remarie et la cadette du clan Bonheur se forme également à la peinture. Elle complète souvent les paysages des toiles de sa grande sœur. Rosa travaille toujours plus pour parfaire ses connaissances de l'anatomie animale. Elle se rend à la ménagerie du Jardin des Plantes, écume les galeries d'anatomie du Muséum National d'Histoire Naturelle, mais aussi les foires aux bestiaux et les abattoirs, des lieux où la présence des femmes est interdite. C'est à cette occasion que la peintre demande une autorisation de travestissement, le droit de porter le pantalon pour éviter de traîner des jupons dans le sang et la boue. À l'époque, il faut en effet demander l'autorisation au préfet de police pour qu'une femme puisse se vêtir autrement qu'en robe. Pour l'anecdote, sachez que cette loi datant de 1800 n'a été abrogée officiellement qu'en 2013. Dans cet univers sanglant et brutal des abattoirs de Roule, Rosa apprend à dessiner les muscles et les tendons, comprend la mécanique des os sous la peau. Mais elle est aussi confrontée à la souffrance animale qui lui vrille le cœur. Elle écrit « Toute cette viande vivante allait s'engouffrer sous le couteau des tueurs. Pauvre créature innocente condamnée à la vie pour la mort. Ces êtres muets ont-ils été dans une vie antérieure des gens comme nous, dont les fautes auraient mérité cette effroyable punition ? Un sentiment d'infinie tristesse emplissait mon âme. » Alors qu'il faut attendre 1845 pour que la Société protectrice des animaux soit fondée, Rosa en devient presque immédiatement adhérente. Les années passent et Rosa rencontre chaque année le succès au salon. À 23 ans, elle reçoit la médaille de bronze. 3 ans plus tard, la médaille d'or. Elle reçoit alors une commande de la part de l'État, d'un tableau qui sera son chef-d'œuvre le plus encensé. Il s'agit de la peinture monumentale actuellement visible au musée d'Orsay et intitulée « Le labourage nivernais ou le sombrage ». Il met en scène 2 attelages de 6 bœufs en plein labourage et quelques humains qui les guident à l'arrière-plan. Chaque animal occupe un rôle précis dans la manœuvre, selon sa force et sa morphologie. Ce tableau, outre son réalisme sidérant, révèle l'extraordinaire connaissance de la peintre pour le monde agricole et pour les races d'animaux domestiques. En effet, au XIXe siècle, la zootechnie est en plein boom. On sélectionne des individus pour créer des races dont certaines caractéristiques physiques sont choisies avec soin. Cela passionne Rosa, qui témoigne par ses dessins de l'émergence de ces nouvelles pratiques. La présentation du labourage nivernais en 1849 est un triomphe. La même année, le père de Rosa décède et celle-ci s'installe chez Nathalie Mika et sa mère. Pour se perfectionner, elle voyage toujours avec sa chère Nathalie pour étudier les paysages dans lesquels elle aime placer ses sujets animaux avec le plus de réalisme possible. Elle se rend dans le Cantal, en Auvergne, puis plus loin, dans les Pyrénées espagnoles, en Angleterre et en Écosse, où la nature sauvage lui inspire des centaines d'esquisses qu'elle transformera en tableaux une fois revenue dans son atelier. Elle produit plus de 2000 œuvres au cours de sa vie, mettant en scène bœufs, moutons, vaches, chevaux, chiens, mais aussi chevreuils, aigles, cerfs et sangliers. Son autre peinture magistrale, le marché aux chevaux qu'elle achève en 1853, lui vaut une acclamation tonitruante et unanime. Le tableau entame une tournée triomphale dans toute l'Europe et jusqu'aux États-Unis où il est finalement vendu. Forte de cette notoriété, Rosa Bonheur est présentée à la reine Victoria et à des peintres anglais animaliers qu'elle admire comme Edwin Landseer. En 1859, la peintre achète la propriété de Bie, près de Thomery, en Seine-et-Marne, où elle passe les 40 dernières années de sa vie. Bie est son havre, où elle aménage un atelier gigantesque et surtout une ménagerie remplie d'animaux de toutes sortes. Nathalie et sa mère l'y rejoignent et l'aident à prendre soin des bêtes. Épaulée par le commandant Anatole Rousseau, vétérinaire, Rosa élève et soigne tous ses pensionnaires à grands frais. Elle héberge pêle-mêle de nombreux chevaux et chiens de toute taille, ses préférés, et un chat. Vivent aussi sur son domaine une cinquantaine de moutons dont elle interdit la tonte sous le ventre pour les protéger des piqûres de mouches l'été. On trouve aussi des animaux sauvages, tels que des mouflons de Corse, des isards, des gazelles, des cerfs, des taureaux et même des canards. Plus exotique encore, elle adopte des singes, des lézards, un grand perroquet et même, tenez-vous bien, plusieurs lions africains. Capturés petits dans leur milieu naturel, les fauves sont apprivoisés à force de patience et peuvent même être caressés sans qu'aucun accident ne soit jamais rapporté. Plusieurs années après la mort de sa lionne, Rosa déclare « Je trouve monstrueux qu'il soit dit que les animaux n'ont pas d'âme. Ma lionne aimait, et donc elle avait une âme plus que certaines gens qui n'aiment pas. Je compris mieux que jamais à quelle flamme il fallait attribuer le rayonnement presque moral qui se dégage du regard de ces humbles personnages velus. » Rosa Bonheur ne connaît donc pas uniquement la mécanique des corps des animaux qu'elle peint, elle perçoit aussi leur personnalité et leur individualité. En 1889, elle perd Nathalie, la compagne d'une vie, ce qui la laisse anéantie. Mais elle croule par ailleurs sous les honneurs. Après avoir reçu la croix de la Légion d'honneur des mains de l'impératrice Eugénie, elle gagne en 1894 la grande croix de la Légion d'honneur des mains du président de la République, Sadi Carnot. Aussi, elle rencontre lors de l'exposition universelle William Cody, plus connu sous son patronyme de Buffalo Bill, créateur du célèbre spectacle du Wild West Show, avec lequel il sillonne le globe. Ils deviennent amis. Peu de temps après le décès de Nathalie, Rosa commence à correspondre avec Anna Klumke, une artiste peintre américaine qui l'admire beaucoup et qui lui sert d'interprète le temps du passage en France d'un admirateur new-yorkais. Celle-ci vient vivre à Bie, en sa compagnie, devient sa confidente, et écrit la première biographie de Rosa Bonheur. Anna devient l'unique héritière du domaine et des œuvres de la peintre à son décès en 1899. Travailleuse acharnée, experte de l'anatomie animale, éleveuse et éthologue avant l'heure, Rosa Bonheur aimait et peignait les animaux mieux que personne. Femme artiste libre et indépendante, elle a mené sa vie comme elle l'a toujours souhaité, dévouée à son art et libérée de tout carcan masculin. Imperturbable, elle aura traversé tout de même deux empires, deux révolutions, deux républiques et trois mouvements artistiques différents sans jamais dévier de son unique ligne directrice, peindre les animaux dans leur quotidien. Elle dit à la fin de sa vie « Je les étudie avec passion dans leurs mœurs » et d'ajouter d'un air entendu « Si nous ne comprenons pas toujours les bêtes nous comprennent toujours ». Revoici avec notre invité, le dessinateur belge Franck P, qui, comme Rosa Bonheur, donne vie aux animaux de bronze et de papier. Co-créateur des séries de bandes dessinées Broussaille et Zoo, il a réinterprété les aventures de Spirou, de Little Nemo et plus récemment celui du Marsupilami. Il vient nous présenter ses inspirations et son travail toujours animalier. Bonjour Franck P. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, pouvez-vous nous raconter un tout petit peu votre parcours? Comment est-ce que vous êtes devenu auteur de bande dessinée? Ouh, il y a longtemps que ça a commencé, puisque là, je vais dire, il y a 45 ans que j'ai publié hier pour la première fois dans le journal Le Spirou. Et depuis, pour résumer très très fort, j'ai fait quelques séries. Il y a eu Broussailles, il y a eu Zoo en 3 tomes. Puis j'ai fait un Spirou et Fantasio, j'ai repris le personnage de Little Nemo, de Winsor McCay. Et puis là récemment, je me suis attaqué à un grand mythe qui est le Marsupilami. On va certainement en parler. On va en reparler assurément. Je l'ai un peu transformé, je l'ai un peu bidouillé là. Est-ce que vous avez suivi une formation au niveau du dessin avant de vous lancer en tant que professionnel dans la bande dessinée? Non, non, non. Oui, j'ai fait 3 ans de Saint-Luc à Bruxelles, le fameux Saint-Luc, mais ça ne m'a servi à rien parce qu'après 68, tous les profs parlaient politique et n'apprenaient absolument rien aux élèves. Donc non, non, je suis autodidacte. J'ai appris des copains aussi, oui, ça c'est vrai, certainement. Mais c'est sur le tas, en publiant, que j'ai appris mon métier. Puis beaucoup de pratique, parce que c'est oui. vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'exclament quel talent, mais ah, c'est beaucoup de travail. Il faut être fondu, comme tous ces métiers créatifs, il faut en bouffer pendant 10 ans, nuit et jour, quoi. Et c'est que comme ça que ça rentre, que ça devient une pratique intime, interne, et qu'on commence à maîtriser, à pouvoir dépasser cet artisanat compliqué qu'est le dessin. Puis on s'améliore, on change de technique, il y a plein de choses que l'on peut explorer en tant qu'artiste. Oui, on peut ne pas. Moi, j'ai préféré bouger tout le temps, mais il y en a plein qui s'arrêtent en cours de route et qui refont tout le temps la même chose. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, il n'y a pas de normes, il n'y a pas... Voilà, on est libre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la bande dessinée comme médium, quand vous avez décidé d'en faire votre métier, et pas par exemple l'illustration plus classique? Pourquoi pas par exemple l'illustration naturaliste, puisque vous aimez les sciences naturelles? Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce format bande dessinée, les cases, les bulles? C'est une très bonne question. En fait, dans ma famille, quand j'étais gamin, il y avait déjà les Tintins, quelques BD, et donc la bande dessinée, alors le journal Le Spirou qui est arrivé chaque semaine, le journal Le Tintin aussi, donc la bande dessinée était mon art de référence, on va dire, même si c'était populaire, mais de très haut niveau. À l'époque, on avait quand même des grands de chez grands dans ces journaux-là. Et donc j'ai flashé là-dessus. Il était évident que, comme j'avais la fibre artistique, encouragée par ma mère qui dessinait et qui avait hérité de ce don-là de son père déjà, donc il y avait une histoire quand même familiale. Avec le dessin. Ouais, ouais, ouais. Et mes frères et sœurs étaient plutôt des scientifiques. Alors moi j'ai pris cette direction dessin et c'est naturellement que j'ai voulu faire de la bande dessinée parce que j'avais ces modèles. De tellement grands artistes comme Giraud, Franquin, Robat, enfin toutes ces générations. Après, quand j'ai découvert quelqu'un comme Rodin, qui est devenu mon grand, mon étoile polaire dans le ciel, évidemment la sculpture n'a rien à voir. Si Rodin est important pour moi, c'est par son... Il est pour moi l'archétype même de l'artiste, engagé dans la vie, inspiré, lyrique. Enfin, j'aime tout chez Rodin. Et il a fait très peu de faux pas, en fait. Hein. C'est, voilà pourquoi j'aime ça, pas pour la sculpture. Mais après, j'ai bouffé plein d'autres gens en dehors de la BD. Mais je reviens toujours à la BD parce que c'est aussi l'art de mon époque. Et j'ai envie, une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça, c'est parce que j'avais besoin de m'adresser à des gens. Et j'avais besoin d'être reconnu. Et puis j'avais besoin de recevoir des choses en retour. Ben oui. Donc voilà, j'avoue que j'étais intéressé par... cette rencontre avec les lecteurs, avec ce public. Et puis vous êtes passé par l'école Spirou. C'est vrai que vous avez été publié assez rapidement avec les papiers de Broussailles, avec tout ça, dans Spirou. C'était des sorties hebdomadaires, c'est ça? Donc il fallait produire, mais il y avait, j'imagine, un retour plus ou moins rapide du lectorat. Il y avait des lettres, oui, surtout, des retours. Oui, les papiers de Broussailles n'étaient pas hebdomadaires. C'était un peu plus espacé, mais quand j'ai fait l'élan, c'était un tout petit strip comme ça, très marginal. Mais là, j'étais là chaque semaine, et avec des sujets un peu bizarroïdes. Mais ça a très bien marché chez les lecteurs. Et là, j'avais des retours permanents. Et c'est vrai, ce dialogue comme ça en direct et avec un très petit temps de réaction m'a très fortement motivé. J'ai la nostalgie de cette manière de travailler parce que maintenant, quand on fait un album, on commence des années à l'avance. Oui, c'est ça. Et puis, il y a le temps de fabrication qui est très long. Et puis, la commercialisation, bref. Quand le bouquin sort et qu'on commence à en parler, on n'est plus du tout là-dedans, bah on est oui, déjà dans autre chose. Bref, projection. On vit une vie en différé tout le temps. Et c'est pour ça aussi que maintenant, j'ai un grand plaisir à faire des fresques, à faire des conférences, à faire d'autres trucs en direct, où là, on est dans l'énergie, comme par exemple les musiciens ou les comédiens, que j'envie beaucoup pour ça. C'est vrai que depuis plusieurs années, du coup, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous pratiquez souvent donc l'art de la fresque en public, plutôt que les séances de dédicace traditionnelles où on rencontre les lecteurs un par un, des fois pendant longtemps. Ouais, c'est le plaisir de montrer le dessin en train de se faire, qui est toujours magique comme moment. C'est ça qui vous motive. D'autant plus que nous-mêmes, dessinateurs, quand on regarde un autre dessinateur travailler, on ressent cette magie. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il a dans la tête. Hein. Et donc je me dis que si je peux donner ça au lecteur... voilà, c'est un beau moment. Moi, il me plaît beaucoup plus. C'est un moment aussi d'improvisation. Et là, je vais revenir sur le thème animal, puisque là, c'est un vocabulaire, l'anatomie animale, le mouvement, etc., que je connais bien. Et je peux improviser librement là-dessus, en direct, sans trop perdre ma culotte devant les gens, ce qui est toujours gênant. Bah, surtout qu'il y a toujours un peu de monde qui regarde, donc si vous perdez le fil du dessin, c'est un peu compliqué. Mais... Oui. Et si je fais une grosse tambouille qui ressemble à rien, c'est pas terrible. Avec les animaux, ça va. Mais en direct, ça veut dire donc avec les animaux, vous travaillez de tête, sans référence, vous n'avez pas de photos, d'images pour vous guider? Alors, je peux pas dire ça. Je prépare le moins possible mes fresques, donc ça veut dire que j'ai un petit schéma très simple d'intention, plus que c'est pas un projet. Et après, cette idée se construit dans ma tête et sur le papier, en direct, mais j'ai aussi une banque d'images à côté de moi sur tablette et à laquelle je fais appel, non pas pour savoir ce que je dois dessiner, mais pour me donner des éléments que je n'ai pas encore dessiné et qui m'oblige à faire quelque chose que je n'ai pas encore fait. Donc c'est un moment aussi où j'apprends des nouvelles choses, où je me mets un peu en danger, parce que si je dessine un zèbre dans la même position que j'ai déjà fait deux fois, eh bien j'aurais perdu mon temps. Alors que si j'ai un document à côté de moi, je sais que je dois faire un zèbre qui court de trois quarts avec une telle lumière, etc., et que sur une photo, eh bien, j'ai une patte que j'ai jamais dessinée, ben je vais la prendre. Voilà, c'est à ça que me sert la doc, mais pas à refaire la même chose. L'idée, c'est toujours faire quelque chose de nouveau et d'expérimenter de nouvelles choses. Oui, et de se mettre un peu en danger, pas trop, mais un petit peu, pour qu'il y ait de l'adrénaline, parce que finalement, c'est ça qui est bon. Hein. Ouais. Après, en dessinant en public, ça l'est, parce qu'au final, souvent, vous dessinez sur deux jours, trois jours, le temps du festival ou du salon. Et Fait 15 ans que je fais ça, et je commence à arriver les mains dans les poches. Quand même. Mais c'est pour ceux qui n'ont jamais vu, souvent, ce sont des fresques assez impressionnantes, elles font plusieurs mètres. Donc, La plus grande que j'ai faite, elle faisait 23 mètres. Quand même. Et en couleur, hein. Donc je commence, tout est blanc, et quand j'ai terminé, tout est en couleur, et tout, sur 1,50 m de haut. C'est quand même une belle performance. Du coup, comme on le disait, votre spécialité, c'est incontestablement le dessin animalier. Dans tous vos albums publiés, on trouve des bestioles, hein, c'est vrai. On va pas se mentir. Je voulais savoir, non pas si vous avez des animaux, parce que c'est évident, mais qu'est-ce qui vous plaît tant? Est-ce que c'est, par exemple, la forme, la couleur, le mouvement? Qu'est-ce qui vous stimule le plus dans le dessin animalier? Ah ben c'est marrant parce que ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. Plus que le comportement ou la vraie biologie, tout ce qu'on peut trouver dans les livres de science, m'intéresse moins. Hormis la zootechnie, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans les parcs animaliers, ça on peut en reparler. On va en reparler. Mais c'est vrai que ce qui me fascine au départ... C'est la forme animale. C'est la petite graine de vivant qui anime cette multitude de formes qui sont le résultat de la créativité infinie de la nature. C'est ça que je trouve, en tant qu'artiste, en tant que créatif, qui m'émerveille au quotidien. Et c'est sans fin, parce que c'est pas juste, voilà, l'abeille, je l'ai vue. Mais on peut explorer l'abeille pendant des années et on va encore découvrir des choses. Et c'est formidable, ça c'est formidable. Donc on est là dans un domaine où on peut nager à l'infini, se goinfrer de nouvelles choses très excitantes, très belles. Et plus j'avance en âge et plus la notion de beauté pour moi devient importante, parce que c'est la beauté, c'est un alliage entre du réel et du transcendant. C'est quelque chose qui est un peu, je dirais, le miel de la vie finalement. Qui nous est souvent caché parce qu'on est dans des urgences, on est dans une pensée mentale qui est le singe fou, hein, qui est une caractéristique de l'homme contemporain. Et en fait, quand on s'assied un peu et qu'on ouvre les yeux tout simplement sans penser, la beauté vient nous fracasser quelque chose dans la gueule là, et c'est incroyable. Et plus le temps va, plus j'en profite en fait. Voilà. Ce qui est très encourageant, je trouve. Quand on soit toujours aussi émerveillé de la même façon, de ne pas s'en lasser. Parce qu'on pourrait se dire, j'ai dessiné trois pieuvres, une nouvelle ne va pas être un défi, quelque chose de nouveau. Et en fait, si, en fait, il y a toujours... En fait, c'est un chemin de vie. Si vous vieillissez, je vais donner les bons conseils de Tonton Franck. Si vous vieillissez et que vous constatez que vous êtes moins... sensible au vent dans les arbres, aux alouettes qui reviennent, etc., c'est que vous avez un petit problème de chemin, ce qui est normal aussi. Ça arrive, et combien, j'en sais quelque chose. Si je me permets de le dire, c'est que ça m'est arrivé. Mais si vous rectifiez bien le chemin, là vous retrouvez l'alouette et le plaisir devant les nuages. Ouais. On vous laisse rêvasser, siffloter, humer le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. Baisers amers de l'Euphrate de Oueda Edfi. Vous êtes toujours dans le NITPI, la deuxième partie de l'émission diffusée sur Campus FM 94 FM. Et nous revoici avec notre invité, le dessinateur de bande dessinée Franck P, qui nous parle bien évidemment d'art animalier. Vous avez dit un truc intéressant sur le fait que finalement la véracité scientifique, c'était pas forcément ce qui vous stimulait. Alors j'avais une question, il faut juste que je la retrouve. Oui, que... mais c'est un peu bateau de dire ça aussi. Non, mais il y a un truc que j'avais remarqué dans vos travaux. C'était justement par rapport à un papier de Broussailles qui m'avait marqué. J'avais noté, dans tous vos travaux, les animaux sont plutôt réalistes. C'est vrai qu'on identifie assez bien les espèces. Entre deux touracos, on se trompe pas. Souvent plus réalistes que les êtres humains, d'ailleurs. Parce c'est vrai qu'ils sont plus cartoonesques, souvent. C'est intéressant, parce que quand on est dans un environnement... on crée un univers en bande dessinée. Et quand on est dans un style un peu synthétique ou humoristique, et que les animaux sont réalistes, à ce moment-là... ils paraissent encore plus réalistes, par contraste. Et ça, c'est très intéressant, évidemment. Ça se voit beaucoup dans La Bête, notamment. Je trouve que les humains ont des visages très exagérés, alors qu'on va en reparler, le marsupilami, il s'inspire beaucoup au niveau de l'anatomie des vrais animaux. Voilà. Et pour revenir à ça, je trouvais ça marrant, parce que donc, vos animaux sont très réalistes. Souvent, leur comportement colle assez bien à la réalité. Par exemple, dans La Lumière de Bornéo, je trouve que quand on voit l'orang-outan se déplacer, il y a ces mouvements de balancement, on voit bien comment il se déplace. Et pourtant, vous avez écrit un truc que je trouve très chouette dans un papier de Broussailles, la planche avec les calaos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, oui, vous aviez noté... Je suis collectionneur de possibles au pays des êtres vivants. Et je trouvais ça assez joli, parce qu'en gros, il y a un peu... Je ne sais pas si c'est une contradiction, mais... il y a cette exactitude naturaliste, mais vous aimez aussi laisser la place à l'imaginaire, à ce qui est inventé. Et du coup, ma question, c'est celle-là, c'est... Est-ce que c'est contradictoire de jongler entre l'exactitude naturaliste et la fantaisie plutôt débridée que vous aimez vous accorder? En fait, j'essaye de me libérer de cette notion d'exactitude qui est une des caractéristiques du scientifique. Lui, il ne peut pas décoller du réel. C'est même le fondement de la science. C'est de toujours partir de l'expérimental, du réel, et de construire là-dessus. Mm. Et de chaque fois, si on fait un pas de côté, il faut le prouver, il faut le démontrer, il faut... Bon, c'est un jeu formidable, mais si on s'intéresse à la poésie, c'est un jeu qui ne fonctionne pas, évidemment. Et là, il devient casse-pied, il devient parasite. Et quand je fais un truc comme ce que vous venez de décrire avec les calaos, en fait, c'est une sorte de gentil pied de nez. C'est une manière de faire une pirouette et de dire, vous savez, moi je sais bien, les scientifiques, ce sont des poètes qui se déguisent. Parce que le petit moteur à l'intérieur, c'est quand même la fascination de la nature. Complètement. Quoi. Hein. Ouais, c'est ça que j'ai voulu dire. Voilà, voilà. Et c'était marrant, complice. Et puis dans cette planche-là, vous montrez des vraies espèces de calaos. Et puis il me semble que vous dites, je sais pas combien il y en a, mais c'est merveilleux quand même. Et au final, oui. C'est pas ça qui compte. Quoi. Et je termine sur une espèce que j'ai pas réussi à identifier et qui est très très belle. Et puis voilà. C'est très bien comme ça. Mais c'est vrai que je me posais la question, donc on y reviendra un petit peu. Mais les papiers de Broussailles, il y a plusieurs formats. C'était soit en une page, soit c'est des petites histoires de quelques planches. Mais il y a certaines pages qui sont quand même très naturalistes où vous parlez. Par exemple des traces laissées par les oiseaux, des noms latins, des animaux en ville. Il y en a une aussi qui est rigolote où Broussailles croise plein d'animaux qui s'accouplent, il croise des tracteurs dans une position aussi équivoque tout à fait. Et moi je trouve qu'il y a quand même une inspiration un peu naturaliste parce qu'il y a quand même quelques faits scientifiques qui transparaissent. Je me demandais est-ce que votre but... ce que vous aviez envie de transmettre, c'était du savoir, de la connaissance, ou plutôt de la poésie, du ludique. Et si vous aviez envisagé utiliser la bande dessinée pour, pourquoi pas, faire passer des connaissances sur le monde animal? En fait, au début, il y avait cette ambiguïté quand j'ai commencé la rubrique Broussailles. Broussailles, c'était juste un personnage pour présenter la matière première. On m'avait demandé de faire une rubrique nature dans Spirou. Voilà, donc c'était clairement transmettre un petit peu des connaissances. Hein. Bon, gentiment. Hein. Ah, quand même. Bah ouais, bon. Ça marche. Ouais. Et donc, voilà, et je suis passé de ce principe-là à un personnage qui amenait un autre regard, puis une poésie, puis ça m'a plu, puis c'était beaucoup plus original de l'aborder comme ça. L'éditeur ne m'en a pas tenu rigueur, au contraire. Et puis ce qui a fondé le personnage, c'est le premier album qui s'appelle Les baleines publiques, où là carrément on fait voler les baleines dans le ciel. Tout à fait. C'est on est parti là. Et maintenant, en fait oui, c'est beaucoup plus le côté poétique qui m'intéresse, mais mon petit jardin secret reste ancré dans les sciences naturelles. Et j'ai une bibliothèque qui fait, je ne sais pas, 10 mètres sur 2,50 mètres, rien que de trucs sur bien les garni. Animaux. Beaucoup, beaucoup de documents photographiques, évidemment. Mais je me gave de ça. Je me gave de ça. C'est ma nourriture à moi. Et vous n'avez jamais eu l'envie de créer un album qui mêlerait, pourquoi pas, fiction et faits scientifiques autour des animaux, pour qu'il y ait un petit peu cette valeur pédagogique, mais sans pour autant écarter le ludique, la fiction, le récit qui peut non, aller avec. Non, non, parce que là, ça devient en fait de la pédagogie de sciences naturelles, et je laisse ça à des gens qui sont bien plus sérieux que moi, et qui le font beaucoup mieux que moi, parce que c'est une vraie pratique, ça. Je le vois bien, je le sais bien. Je n'ai pas cette prétention-là. Je préfère être un peu le rêveur, le gars à la marche, quoi. J'aime bien mettre les pieds dans le plat, ou déraper, je crois beaucoup au regard oblique, la diagonale, celle qui fout le camp, là où on s'attend pas. Voilà, ça c'est plus intéressant pour moi. Là on est plus, et plus les années avancent, plus je mets sur un piédestal la poésie. Je trouve que c'est l'art des arts, quoi. Et donc là on est loin quand même des sciences naturelles. On parle de la même chose. Christian Bobin parle de la nature, mais il n'en parle pas en termes de scientifique, de naturaliste du tout. Ce qui n'empêche pas probablement d'avoir son Peterson dans sa bibliothèque. Hein. Et puis ce sont des approches tout à fait différentes. Mais c'est vrai que je me demandais, puisque voilà, avec les papiers vous frôliez un petit peu ce côté-là, si c'était un projet qui pouvait vous, pourquoi pas, vous plaire à l'avenir, ou si vous vouliez vraiment plus rester dans la rêverie, l'onirique. Et je fais régulièrement l'aller-retour, parce que quand je travaille par exemple pour un jardin zoologique et qu'il y a une partie pédagogique, ben, je me plie à, voilà, on va faire un panneau avec la brachiation du gibbon, et voilà. Mais c'est... Ouais, ouais. Si je peux... Ça vous amuse pas tant que ça. Non, non. Je comprends. Exactement. Ouais. Dans plusieurs ouvrages, on l'évoquait avec les baleines publiques, où broussailles voient apparaître des baleines et des poissons dans les rues de Bruxelles. Il y a quand même plusieurs fois dans votre œuvre où on voit que le rêve, l'aventure mentale, on va dire, s'accompagne avec l'apparition d'animaux. C'est aussi le cas, par exemple, dans Le Mireur de Bornéo, où Fauvette, elle voit l'okapi dans la forêt. Il y a Broussailles. Il y a aussi une scène aussi où Broussailles délire au Burundi quand il a de la fièvre, etc. Il voit des crocodiles. Ouais, il voit des crocodiles. Puis il y a la scène avec le gorille. Enfin, il y a souvent ce côté un petit peu où on perd pied. Mais après, le rêve, ça peut être agréable, mais il y a aussi le cauchemar, et c'est quelque chose qui revient souvent. Du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est un petit peu l'imaginaire qui part, qui est débridé, qui est associé, voilà, à cette perte de contrôle, ou qu'est-ce que vous vouliez passer par là ? Il y a plein de choses là autour. On est vraiment au cœur de mon travail. Le rêve. Le rêve, c'est vraiment, pour quelqu'un qui raconte des histoires, c'est quelque chose de fondamental, parce que dans le rêve se passe toute notre vie intérieure, notre vie cachée. C'est un peu comme la matière noire de l'univers, quoi. Puis il y a toujours des choses qui ressortent qu'on ne veut pas trop forcément... Oui, sans ça. Qu'on le décide, en tout cas. En fait, c'est une vie très intense qui se passe, qu'on le veuille ou non, à laquelle on n'a accès que dans le sommeil. Donc c'est quand même un accès très particulier. On le touche un petit peu au réveil, mais c'est pas terrible comme communication. Or, ce qui se passe dans les rêves, c'est fondamental, puisque l'inconscient travaille dans le rêve pour nous faire régler tous les problèmes qu'on a vécu dans le conscient. Hein, c'est bon, c'est Freud, c'est tout la psychanalyse. Et donc, c'est un lieu, on va dire, le rêve, où il se passe des choses fondamentales, très très intéressantes, sur ce qu'on est vraiment. Donc, si on veut parler... La poésie, ça parle de ce qui est vrai. Puis de ce qui touche aussi. Ce qui est vrai au-delà des apparences. L'art, c'est aussi parler de ce qui est invisible. Sinon, à quoi bon ? Si c'est pour représenter un arbre tel qu'il est, hein, pas besoin de dessin, quoi. Puis une photo fait bien l'affaire. Le travail, tout à fait. Donc, pour moi, l'art, c'est toujours ajouter un plus invisible à quelque chose. Donc, le rêve, c'est fondamental. Et on rêve depuis qu'on est. Je crois que le rêve agit déjà dans très la tôt. Vie intra-utérine. Hein. Et peut-être que la dernière chose qu'on fait avant que la petite lumière s'éteigne après la mort, c'est encore rêver, c'est encore passer de la conscience à l'inconscience. Donc c'est extrêmement important. Et si on veut raconter des histoires qui touchent un peu à l'intérieur, du côté du cœur et tout ça, le chemin par le rêve est indispensable. Et pour la poésie aussi, évidemment. Alors, les animaux dans les rêves, ma foi, ça c'est puis un Little truc... Nemo aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué. Oui, mais... ça c'est encore autre chose. Oui. Mais les animaux dans les rêves, c'est quelque chose qui, pendant très longtemps, pendant 20 ans, s'est imposé à moi. C'est-à-dire que presque dans tous mes rêves, il y avait des animaux. Alors, pas comme une présence obsessionnelle. Ils ne jouaient pas de rôle particulier. Mais ils étaient toujours là, quelque part dans le rêve, dans le décor, ou présents un moment, machin. Je ne peux pas l'expliquer. Franchement, je n'ai pas fait le travail du divan là-dessus. Mais voilà, je l'ai vécu comme tel. J'en déduis que les animaux sont quelque chose d'important pour moi. On peut le penser. Quelque chose qui m'attire, qui me travaille là. Et ça se voit sans doute dans mes dessins et dans la facilité que j'ai comme accès à ce monde-là. J'ai pas d'explication, je sais pas. Mais ça se nourrit un petit peu du réel et aussi du rôle du rêve au final. Et comme les animaux jouent un rôle important dans notre travail, c'était assez logique que les deux se rencontrent finalement. En fait, l'animal, c'est aussi notre part cachée. Il y a non seulement le rêve qui est notre part cachée, mais notre animalité est une chose que, en tant qu'être conscient et intelligent, on a tendance à étouffer ou à oublier. Il n'y a qu'à lire les livres de Franz de Waal sur les grands singes, le comportement des singes, pour se rendre compte à quel point nos comportements d'êtres civilisés sont déjà complètement structurés dans l'échelle d'évolution, déjà chez les grands singes, quoi. Si on relisait un peu mieux Franz de Waal tous, on pourrait réfléchir sur les rites funéraires, sur les religions, et se dire mon Dieu, mais c'est l'animal qui parle en nous, c'est pas les Israéliens, les Palestiniens, les machins, c'est notre part animale, quoi. On trouverait là une humilité formidable. Donc, bref, on est un peu con et c'est sans vouloir accuser personne, hein, je suis dedans. On est tous dedans. Et aussi sur le plan de la sexualité et tout ça. De nouveau, raconter des histoires, ça sert à ça. Ça sert à les puiser dans toute cette grosse matière noire, matière obscure, matière cachée, et en ressortir des éléments pour les éclairer, donner un petit coup de projecteur là-dessus. Voilà, en toute simplicité. Simplement. Vous vous en doutez, quand on a la chance de parler d'animaux avec Franck P, on est tenté d'être bavard et de déborder. Je vous donne donc rendez-vous dans le prochain numéro d'UnitPi pour retrouver la deuxième partie de cet entretien. On finit, comme d'habitude, par quelques conseils lecture. À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, je ne peux que me réjouir des multiples parutions sur sa vie qui vont voir le jour dans les mois à venir. En attendant, j'aimerais vous conseiller deux ouvrages qui m'ont inspiré cette chronique. La partie biographique d'abord est grandement inspirée d'un roman jeunesse intitulé Rosa Bonheur, l'audacieuse, écrit par Natacha Henry et publié chez Albin Michel Jeunesse. Regorgeant de détails, cette biographie romancée de 299 pages reste très fidèle à ce que l'on sait de la vie de la peintre animalière. On découvre de l'intérieur son quotidien, son entêtement et ses mésaventures avec les rapins du musée du Louvre ou les brutes des abattoirs avant qu'elle ne soit secourue par le père Émile, dont la peintre fait bel et bien mention dans ses correspondances. L'immersion dans l'intimité du clan Bonheur, les rencontres avec les artistes et scientifiques de son temps sont un vrai régal à suivre. Un texte court, bien écrit et accessible qui resitue cette biographie dans son contexte historique et permet de faire découvrir agréablement la trajectoire de cette femme d'exception. Le deuxième écrit que je voudrais vous conseiller est la thèse d'obtention pour le doctorat vétérinaire intitulée « Rosa Bonheur, artiste animalière au XIXe siècle », écrite et soutenue par Léa Repsamen. Cette thèse universitaire de 241 pages, très claire et sans jargon, se propose d'enquêter sur Rosa Bonheur et ses connaissances vétérinaires des animaux. De nombreux extraits de sa correspondance nous font découvrir ses échanges avec le commandant Rousseau, son vétérinaire, et les soins qu'elle apportait à tous les habitants de sa ménagerie. On découvre aussi des quantités de choses sur les animaux qu'elle hébergeait à toutes les époques de sa vie, ainsi que ses connaissances anatomiques, mais aussi sur ses compétences en zootechnie. L'ouvrage, très richement illustré par ses œuvres, tableaux et sculptures, retrace également sa vie, son époque, ainsi que les grandes figures du courant artistique naturaliste et réaliste auquel elle appartenait. Plusieurs analyses de ses tableaux, les plus fameux, nous apprennent beaucoup de choses sur les pratiques agricoles de cette époque et sur les races d'animaux mises à l'honneur dans ses tableaux. La thèse de Léa Repsamen est consultable gratuitement en ligne sur la page des thèses de l'école vétérinaire de Maison Alfort. Je vous mets le lien dans la description de l'émission. Enfin, si vous ne connaissez pas encore le merveilleux travail animalier de Franck P., je ne peux que vous encourager à vous plonger dans la Bible qui retrace toute sa carrière et vous permet de découvrir les multiples facettes de son travail. Il s'agit de l'ouvrage « Franck P., une vie en dessin » paru aux éditions Champaka Bruxelles. Ce beau et gros livre de plus de 315 pages retrace en plus de 250 dessins originaux la carrière de l'artiste, de son enfance à ses premiers contrats chez Dupuis, jusqu'à la création des fresques monumentales qu'il exécute publiquement en salon BD aujourd'hui. Outre son travail sur ses séries emblématiques, que sont Broussailles et Zoo, ou le travail plus récent de reprise de personnages classiques de la BD, de Spirou à Little Nemo en passant par le Marsupilami, on peut aussi y voir tout son travail de character designer pour des studios d'animation, ainsi que ses grandes fresques inspirées de l'œuvre du peintre tchèque Moucha et du courant Art Nouveau, qu'il affectionne particulièrement. Une plongée passionnante dans son œuvre et ses inspirations qui vous en mettra plein la vue. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM, et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepi.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières, et d'ici là, gardez la pêche.